19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'art préhistorique africain, c'est bien entendu celui du Sahara. Souvenons-nous des fameuses expéditions d'Henri Lott. C'est aussi l'Afrique du Sud, la Namibie, avec les recherches de l'abbé Breuil, notamment autour de la fameuse Dame Blanche, qui, nous le savons, est désormais un homme. Pour autant, pourquoi la recherche, notamment archéologique, s'est-elle détournée de l'Afrique ? D'où vient cet éventuel désintérêt alors que ce continent possède un extraordinaire patrimoine ? L'art rupestre s'avère unique en Afrique. Pour autant, combien de grottes, d'abris sous roches sont-ils classés sur la liste du patrimoine mondial ? Nous ne manquerons pas de le demander à notre invité. Sortant des chemins battus, le magazine d'archéologie de France Culture évoque ce soir une petite partie de cet art, celui de l'Afrique centrale, avec Geoffroy Emlich. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Chercheur associé à l'Institut des mondes africains, l'IMAF, vous co-dirigez une mission archéologique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la mission franco-congolaise de l'OVO en République démocratique du Congo. Vous copubliez aujourd'hui un ouvrage, Art rupestre et patrimoine mondial en Afrique subsaharienne, qui vient de paraître aux éditions Maisonneuve et Larose. Geoffroy Emlich, nous évoquons toujours notre art paléolithique, mais qu'en est-il en Afrique? Quelles sont les plus vieilles traces d'art rupestre sur ce continent? C'est vrai que quand on pense art rupestre ou art préhistorique, on a tout de suite en tête les images des fameuses grottes paléolithiques de Lascaux, de Chauvet, de Kosquet, d'Altamira. Et pourtant, en Afrique, et de manière générale sur tout le continent, on trouve beaucoup de peintures et de gravures rupestres. On peut en trouver aussi bien dans des abris sous roches, dans le lit des rivières, au pied des falaises, et jusque dans les profondeurs des grottes, dans l'obscurité la plus totale. Donc les plus anciennes de ces images rupestres remonteraient à environ 30 000 ans. Elles se trouvent dans la grotte Apollo 11 en Namibie. Cette grotte contenait des pièces d'art mobilier, dont l'une d'entre elles pourrait représenter un théranthrope. Donc on aura l'occasion, je pense, d'y revenir, mais un théranthrope, c'est en fait un être mythique dont une partie est humaine et une partie animale. Et ce que je trouve aussi très intéressant dans les arts rupestres d'Afrique, c'est qu'il y a encore aujourd'hui, dans plusieurs parties du continent, des traditions vivantes d'arts rupestres qui se perpétuent. Où ça exactement ? Par exemple, en Tanzanie, ou dans d'autres endroits encore. Hormis l'art rupestre saharien ou d'Afrique du Sud, tout resterait à faire ailleurs ? Effectivement, à la différence des arts rupestres du Sahara ou d'Afrique australe qui sont richement documentés, ceux d'Afrique subsaharienne restent souvent mal connus ou peu étudiés. Il y a pourtant quelques exceptions notables. Je pense ici par exemple aux gravures schématiques de la vallée de l'Ogoué au Gabon, qui a par ailleurs été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut penser à d'autres sites comme celui de Bizar, avec ses pétroglyphes circulaires au Cameroun, qui est lui inscrit sur la liste indicative du pays. On peut aussi signaler les représentations de Koutoudjé de la République centrafricaine, ou encore les images rupestres du massif du Lovo, ou les peintures d'Angola. Mais je pense que le peu d'intérêt manifesté jusqu'à présent pour ces productions graphiques est dû à leur caractère non figuratif, parce qu'elles sont le plus souvent composées de signes simples. Ça peut être des cupules, des cercles, des traits, ou des représentations qui restent très schématiques et qui n'offrent que de très rares possibilités d'approcher le sens. Mais actuellement, dans les études d'art rupestre, de plus en plus, on tend à considérer l'art rupestre comme tout autre objet archéologique, et les travaux d'inventaire se multiplient. actuellement. Geoffroy Emlich, votre terrain est en République démocratique du Congo. Pourquoi ce choix? Parce que c'est un pays immense, grand comme l'Europe occidentale? C'est une longue histoire. En fait, j'ai commencé à étudier l'art paléolithique et je me suis rapidement rendu compte que finalement, il y avait peu de sites à étudier pour beaucoup de monde qui voulait en faire l'étude. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à toutes les manifestations rupestres qu'on pouvait trouver à travers le monde. Et je me suis rendu compte qu'en Afrique, ben, c'est ce qu'on disait un peu avant, c'est qu'on connaît finalement beaucoup le Sahara, par exemple, par rapport aux travaux de Henri Lotte dans les années 60 et 70, ou d'Afrique australe avec les travaux d'Henri Breuil, par exemple, mais très peu l'Afrique centrale. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être une perspective de recherche à explorer. J'ai été amené à faire un petit projet sur les arts rupestres d'Afrique centrale pour mon master, qui m'a permis de partir grâce à l'Institut de recherche pour le développement au Cameroun. Ce projet a avorté, mais c'est vraiment au fil des rencontres que j'ai été amené à travailler dans le massif de Lovo. Alors je sais que visiblement il n'y aurait qu'un seul archéologue congolais. J'imagine que c'est votre partenaire puisque votre mission est franco-congolaise. Oui, effectivement, il s'agit de Paul Bakwalofu Badibanga, qui est actuellement directeur de l'Institut des musées nationaux du Congo, qui est en fait l'instance congolaise en charge de la protection du patrimoine. Mais sur le terrain, je travaille avec un collègue depuis maintenant plus de 10 ans, qui s'appelle Clément Mamboun Sangati, toujours du même institut. Vous avez des étudiants locaux et nationaux? Oui. Vraiment, une grande partie de notre projet est également dédiée à la formation des archéologues congolais, et ça sur la demande des collègues congolais. Donc c'est vraiment un point extrêmement important de notre projet, et on a été amené à convier plusieurs étudiants de l'Université de Kinshasa et de l'Institut des musées nationaux du Congo notamment, sur le terrain. Et on travaille notamment également sur un grand projet de formation actuellement. Comment doit-on s'imaginer ce massif de Lovo? Je présume qu'il est karstique puisqu'il y a des grottes. Oui, c'est effectivement un massif calcaire. Et pour vous en donner un aperçu, il faut que vous imaginez que sur près de 430 km² se dressent des centaines de massifs calcaires au relief vraiment spectaculaire et qui sont percés de nombreuses grottes et d'abris sous roches et qui sont ornés de plusieurs milliers de peintures et de gravures rupestres. Alors, c'est un massif erratique qui s'élève au milieu d'une plaine visiblement assez luxuriante, c'est du moins ce que j'ai vu sur les photos. Dès le XVIe siècle, ces peintures seraient reconnues? Effectivement, ces peintures ont été signalées très tôt, bon, dès le XVIe siècle, par un missionnaire à l'époque qui s'appelait Diego del Santissimo Sacramento, donc à l'époque de l'ancien royaume de Congo. Puis au XIXe siècle, un site a été signalé par James Tuckey, un explorateur britannique lors de sa reconnaissance du fleuve Congo. Mais par contre, les images rupestres de cette région n'ont jamais véritablement fait l'objet d'investigations de grande ampleur. Mais de ces recherches préliminaires, c'est tout de même dégagé un ensemble cohérent. Donc, le massif de Lovo, qui a fait l'objet de ma recherche doctorale et qui se poursuit aujourd'hui par un important projet de coopération entre la France et la République démocratique du Congo. Et pourquoi les chercheurs ont-ils délaissé ce massif du Lovo? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Avec mon collègue Clément Mambou, on a repris l'étude du site en 2007. Et en fait, depuis les années 1970 et les dernières prospections de Pierre Demaret, plus aucune recherche n'avait été réalisée. Et je pense que c'est dû en grande partie donc au contexte politique qui n'était pas favorable du tout pour entreprendre des recherches de terrain. Et il faut savoir aussi que le massif de Lovo est situé à la frontière avec l'Angola, ce qui a pu susciter à l'époque des conflits. Une autre raison, je pense, c'est que qu'il y a un désintérêt par rapport aux arts rupestres du Sahara ou d'Afrique australe. Parce qu'il faut savoir que ces arts rupestres, par exemple d'Afrique australe, sont dans leur style peut-être plus proche de notre manière de voir le beau, enfin comme une belle image, et sont plus proches finalement de nos normes artistiques occidentales. C'est l'Arsane, c'est ça ? C'est l'école des Sanes ? Oui, oui, par exemple. Et on peut aussi rajouter que leur caractère, qui est éminemment symbolique, laisse aussi place à nombreuses possibilités d'interprétation. Alors, sur les Arsanes, il faut lire Vol de vache à Crystal Cave, qui est absolument un livre d'enquête absolument formidable. Citons toutefois, pour votre sujet, le veau, un pionnier. En 1957, Roger Montaigne fait toute une série de relevés en vue du fameux congrès panafricain de préhistoire, un congrès extrêmement important, qu'il est toujours d'ailleurs. Et celui-ci vous a communiqué toutes ses archives, et les dessins sont assez beaux. Ouais, c'est un fabuleux cadeau que Roger m'a fait, parce que je me suis retrouvé en fait avec des fardes de relevés enroulés et qu'il s'apprêtait d'ailleurs à jeter, donc je suis vraiment arrivé au bon moment. Et la collection compte environ 200 relevés d'une très grande dimension, avec de très belles mises en propre qui ont été réalisées à l'encre de Chine. Et qui pour moi sont d'une qualité comparable à ceux de l'abbé Breuil à l'époque. Et cette collection a été tout dernièrement et gracieusement numérisée par le Centre national de préhistoire. Une copie numérique en a d'ailleurs été donnée aux collègues congolais de l'Institut des musées nationaux du Congo. Et nous souhaitons également pouvoir restituer officiellement cette collection de relevés à nos collègues congolais pour qu'elles puissent faire partie intégrante des archives nationales du pays. Alors partons maintenant sur le terrain, Geoffroy Emlich. Comment faites-vous pour découvrir un site rupestre ? En fait, on utilise plusieurs méthodes. Soit on peut partir d'études préliminaires qui ont déjà été publiées. On a également des informations inédites qui ont été collectées lors de nos recherches dans les nombreuses congrégations religieuses en Belgique, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque coloniale, de nombreux missionnaires se sont intéressés à l'histoire du royaume du Congo, aux traditions et notamment à ces sites d'art rupestre. Donc il y a des éléments de ce côté-là qui sont inédits que nous utilisons. Nous avons aussi des cartes géologiques, mais c'est surtout les chefs coutumiers et les chasseurs qui nous ont permis de voir les plus beaux sites. Et en fait, c'est que finalement, les dernières années de nos recherches qui nous a été donné de voir les sites les plus spectaculaires. Après, j'ai toujours en tête la première fois que je suis allé dans la grotte de Tovo, qui est une magnifique grotte ornée qui traverse un massif de part en part, ou le site de Ngembo, qui se situe au sommet d'une colline et qui est ornée de plusieurs centaines de gravures rupestres. Combien de sites avez-vous trouvé pour l'instant ? Au total, 117 sites ont été inventoriés, dont 20 grottes ornées. Et ce massif contient donc la plus importante concentration de sites rupestres de toute la région. Et au cours de nos missions de terrain, donc qui s'échelonnent de 2007 à 2019, 73 sites ont pu être examinés, et sur ces 73 sites, 70 sites se sont avérés être inédits, ce qui représente plus de 5700 images rupestres, et ce qui montre bien aussi tout le potentiel de recherche qu'il y a à l'OVO. Et donc, du coup, les prospections sont loin d'être terminées. La rupestre du Lovo est par essence très fragile. S'agit-il aujourd'hui d'un patrimoine réellement menacé ? On peut dire qu'on se trouve aujourd'hui à un croisement, un moment charnière où il est encore possible, je pense, d'agir pour sauvegarder ce patrimoine culturel particulièrement important. Et si l'on veut éviter la destruction des grottes ornées et préserver l'intégrité du massif de Lovo et d'autres massifs également en périphérie, il y a urgence à prendre des mesures de protection. Certains sites majeurs d'art rupestre ont déjà été détruits. Je pense ici d'ailleurs à la grotte ornée de Mbafou, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un article par Roger Montaigne, donc dans les actes de ce fameux congrès panafricain de préhistoire qui s'était déroulé à l'époque à Kinshasa. Du calcaire y a été exploité depuis les années 80 jusqu'à récemment. Et selon nos informations, l'exploitation industrielle des massifs devrait se poursuivre, voire s'accélérer dans les années qui viennent. Le Congo n'a pas l'exclusive de ce type de destruction. On écoute sur le sujet Yves Gauthier et Jean-Loïc Lekelec dans une archive de l'émission datée de 2015. Yves Gauthier, il y a aussi l'iconoclasme banal et insouciant. La destruction de gravures pour, par exemple, juste faire des pierres de construction? Alors, les pierres de construction, le cas typique, ce serait le Maroc, qu'on pourrait citer en premier, où énormément de sites, effectivement, ont disparu dans la dernière décennie. Les pierres servent en fait de matériaux de construction qu'on retrouve pour des jardins, des maisons, même des mosquées. Et il y a un véritable désastre dans ce pays. Des dizaines et des dizaines de sites ont purement et simplement disparu. On l'a constaté encore ces 2 dernières années et le processus s'amplifie. Des pistes sont tracées carrément au bulldozer à travers les sites qui sont totalement dévastés et dans certains, il ne reste quasiment plus rien des belles gravures qui ont été publiées. Est-ce que l'on peut parler réellement d'un iconoclasme banal et insouciant? Alors, banal et insouciant, non, j'y crois pas. Alors, on le retrouve un petit peu partout et il peut y avoir des motivations différentes. Mais on peut citer un cas avec Jean-Loïc Lekelec. On a essayé de retrouver une gravure publiée par Frobenius. C'est une scène de zoophilie. Nous avons fini par la retrouver, mais la partie sensible de la scène avait été détruite à coups de cailloux. Elle se trouvait où? Dans quel contexte, Jean-Loïc Lekelec? Dans le Messac. Et j'ajouterais que dans la Koukass, qui est le massif voisin, il y a un endroit où il y a des peintures d'une petite frise de personnages qui ont tous été symboliquement décapités. C'est-à-dire, au niveau de la tête, quelqu'un est venu et a tracé, a gravé un trait qui barre le cou. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Geoffroy Emlich, que pensent de cet art les populations autochtones du massif de Lovo, les Ndibou, c'est bien ça? Oui, c'est ça, les Ndibou, qui sont un sous-groupe Congo. Dans tous les cas, ces sites sont toujours sacrés et font l'objet encore aujourd'hui de cérémonies et de rituels. Et ce fut là d'ailleurs aussi tout l'objet de nos recherches, pour savoir finalement si ces sites étaient liés à des rituels d'initiation, par exemple le Kimpassi, ou à des cultes, par exemple les cultes dédiés à Benza ou au Simbi, ou même à des pratiques de sorcellerie qu'on appelle en Kikongo la Kindoki. On aura l'occasion d'y revenir, mais ces sites sont peuplés par des êtres mythiques qu'on appelle les Mafulamengo, les Mbudimbulida, les Mbakambaka et les Simbi, qui sont des esprits locaux protecteurs. Et donc c'est tout un paysage mythique, rituel qui prend forme sous nos yeux. Et ce que nous avons souhaité montrer à travers notre recherche, c'est en particulier que finalement l'art n'est jamais déconnecté de la vision du monde qui prévaut dans les sociétés où il est produit. Et d'où l'importance d'ailleurs d'étudier l'art rupestre en croisant les points de vue à la fois historiques, archéologiques, ethnologiques et mythologiques. Comment décrire cet art? S'agit-il d'un art strictement figuratif? On y trouve surtout des figures géométriques, par exemple des croix, des cercles ou des quadrillages. Et vous avez quand même des animaux, il y a une sorte de bestiaire? Et effectivement, ces géométriques peuvent être associées parfois à des zoomorphes. Le plus souvent, il s'agit de lézards ou d'antilopes. Et le lézard est d'ailleurs l'animal le plus fréquemment figuré. On trouve également, mais dans des proportions moindres, des figures de canidés et d'autres animaux, mais beaucoup plus atypiques et en très faible proportion, comme des oryctéropes, des tortues, des oiseaux ou même des poissons. L'oryctérope, le fameux cochon qui s'enterre dans la terre très vite. Il y a aussi des anthropomorphes, c'est-à-dire des hommes qui sont parfois armés. Effectivement, on trouve des anthropomorphes qui peuvent être armés, par exemple d'épées, de boucliers, d'arcs et de flèches ou même de fusils. Et puis, il y a les fameux êtres extrêmement étranges, les fameux théranthropes. Exceptionnellement, des théranthropes y sont figurés. Donc, comme je l'avais dit au tout début de l'émission, il s'agit en fait d'êtres mythiques qui sont en partie humains et en partie animaux. Et à l'OVO, la particularité est que tous ces théranthropes ont une tête humaine et un corps lacertiforme. Lacertiforme, ça veut dire finalement en forme de lézard. Et il y a deux types qui s'y dégagent, les théranthropes qui fument la pipe et ceux qui sont armés d'un fusil. Alors nous n'aurons pas le temps de passer une archive de Jean-Loïc Le Callec, mais sachons que les théranthropes existent dans le Messac libyen au cours du 5e millénaire et représentent des lycaons. Geoffroy Emlich, peut-on définir des styles dans le massif du Lovo, en Centrafrique? Tout d'abord, j'ai pu serrer les images rupestres étudiées en quatre grands ensembles. Et donc, on a pu clairement définir que ces trois premiers ensembles sont en fait plusieurs variantes d'une même tradition stylistique Congo. On y retrouve par exemple des thèmes communs et ça peut être ces anthropomorphes qui sont armés d'un fusil, d'un bouclier ou d'un arc, ou simplement avec le bras droit levé qui est une posture typique de l'art Congo. Les lacertiformes, donc les lézards, y sont également présents, comme ces fameux théranthropes, ou des motifs en croix typiques. Et il se trouve que ces trois variantes donc de cette même tradition stylistique Congo, la répartition de ces images rupestres, en fait, recoupe les limites de l'ancien royaume de Congo. Mais ce qui n'est pas le cas pour le quatrième et dernier ensemble, qui est composé essentiellement de peintures géométriques rouges réalisées avec le doigt. Et là, pour le coup, on y trouve... Excusez-moi, oui. Geoffroy Emlich, venons-en à ce qui est au cœur de vos problématiques. Peut-on lier cet art à l'histoire? L'histoire, bien entendu, du royaume du Congo avec un K. Oui, assurément. Le croisement des points de vue, à la fois historique, archéologique et ethnologique, montre toute l'importance de la rupestre dans la culture Congo. Et il y a notamment certains aspects rituels et symboliques qui s'y rattachent et qui peuvent être attribués avec assurance à l'ère pré-chrétienne. Et ces aspects rituels se réfèrent notamment à la cosmogonie, à l'anthropogonie ou à des narrations associées à l'origine mythique de la mort. Et une autre chose que notre projet a pu permettre, c'est que ça nous a aussi permis d'enrichir la connaissance du système décoratif Congo en montrant finalement que l'art rupestre participe du même système d'ornementation et qu'il est bel et bien une partie importante des vestiges de l'ancien royaume de Congo. On trouve par exemple des motifs semblables aux images rupestres à la fois dans les vanneries et les tissus ou les olifants et les poteries, mais aussi les crucifix et les stèles funéraires. Alors la croix est bien sûr un signe chrétien, c'est aussi un signe clé de la cosmologie plutôt du royaume Congo. Effectivement, oui, la croix était un symbole clé non seulement du christianisme mais aussi de la cosmologie Congo. Et comme l'indique d'ailleurs son utilisation à la fois dans l'art rupestre mais aussi dans d'autres formes d'expression artistique locale. La croix ornée par exemple bon nombre de régalias, donc les régalias ce sont des objets royaux, elle était un symbole de prestige et de valeur qui était lié au pouvoir et à la royauté. La croix contribuait aussi à renforcer les liens avec les forces surnaturelles dont elle symbolisait la présence et cela nous a également permis de lier une partie de cet art rupestre à des pratiques initiatiques et notamment le Kimpasi. Alors c'est quoi le Kimpasi ? Le Kimpasi est une ancienne cérémonie d'initiation qui date du royaume de Congo. Et cette initiation se retrouvait finalement au centre des préoccupations des missionnaires de l'époque. Parce que il se trouve que la croix était l'un des principaux insignes de cette cérémonie. Donc c'est une initiation qui se déroulait au sud du fleuve Congo. Elle a été signalée dès la seconde moitié du XVIIe siècle, donc par ces missionnaires. Et cette initiation intervenait quand la communauté éprouvait le besoin de remédier aux maux qui l'accablaient. Les abris sous roches, ou les grottes même, auraient-ils pu être les lieux de certaines initiations ? C'est effectivement là l'une de nos hypothèses, et qui se voit d'ailleurs confortée par plusieurs témoignages qui rattachent aujourd'hui encore certains de ces sites aux cérémonies du Kinpasi. Et on a notamment eu la chance de rencontrer deux chefs traditionnels, dont l'un qui était quasiment centenaire, et qui ont révélé que deux massifs étaient encore aujourd'hui connus pour avoir abrité des Kinpasi, et ça jusqu'au début du XXe siècle. Pour vous, l'art serait une importante source complémentaire des textes historiques et bien sûr des traditions orales ? Effectivement, parce que même si finalement on peut admirer les images rupestres pour leur qualité esthétique, ce sont des vestiges archéologiques à part entière et qui méritent d'être étudiés comme tels. Et je pense que à la fois les archéologues et les historiens doivent avant tout traiter ces figures comme des artefacts situés dans le temps et dans l'espace et qui ont une histoire. Entre être inscrit bien sûr sur les listes du patrimoine mondial est un enjeu tant pour la connaissance que pour la protection. Pourquoi cet art rupestre africain semble-t-il délaissé de l'UNESCO à l'heure où l'on parle à tue-tête de gestion durable ? Pour vous, c'est capital que le Lovo soit inscrit en deux mots. Oui, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a actuellement 7 sites qui sont classés et dont l'art rupestre a joué un rôle essentiel donc sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et 4 autres pour lesquels l'art rupestre a joué un rôle secondaire. Et pour ma part, il me semble que cela est bien peu finalement par rapport à l'énorme potentiel que présente l'Afrique en matière d'art rupestre. Et historiquement, il y a aussi un déséquilibre sur la liste avec près de la moitié des sites qui sont classés et qui sont situés en Europe. Et donc, les sites d'art rupestre ont tout le potentiel nécessaire pour pouvoir contribuer à rééquilibrer la liste du patrimoine mondial. Geoffroy Emlich, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre que vous avez copublié, Art rupestre et patrimoine mondial en Afrique subsaharienne, aux éditions Maison Neuve et La Rose. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Jean-Guilain Meige, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application France Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, place à la recherche du grand anthropologue Alain Testard.